Kaham. Sur la plage abandonnée. Plage abandonnée, coquillages et Christ. Let's create. About create. About law. About experiment. Try it. Plus ou moins près du volcan, de la fournaise, s'approchant, plus ou moins près, risque. À tout moment, la brûlure, son vent du ciel, finalement, ne venant pas. Semblable, finalement, la brûlure vient de la nature. Le réel. Difficile. Contact. Tu me brûles. Avec l'air. La réalité, plus dangereuse que la virtualité. Bye. je rêvais d'un autre monde. Oui, je rêvais tout foutre en l'air. Oui, j'étais très terre à terre. Un autre monde. Je rêvais. Another dawn, another day. For you, for me, for the family. Another dawn, another day. Je rêvais. Yeah. lèvres. Sounds. Thank you. pire endroit du monde. Un autre endroit du monde, beaucoup moins cocoon. T'es plus dans ton techno-cocoon. N'a pas été protégé comme il faudrait. Pourtant, tout le monde n'a pas été protégé, ouais. Je comprends la colère. Tout le monde n'a pas été protégé comme il faudrait.